Si relié séraphiquement à l'humain de la Voie lactée, représente une agglomération diversifiée des 13 dimensions. C'est une agglomération diversifiée de plusieurs dimensions dans les 13 dimensions. Bon, deuxième question. Si oui, le transfert séraphique, le pont énergétique... Donc, c'est non au niveau des 13 dimensions agglomérées. Par contre, le reste de la question est intéressante. Vas-y. Peut-il s'établir avec l'humanité? Oui. Quelles sont les conditions et l'enjeu d'une grève cosmique de l'homme supramentalisé pour alléger son karma cosmique en faisant partager par d'autres galaxies liées séraphiquement le poids de la fusion des énergies des froids? Cela engendrera des mécanicités conséquentielles qui vont faire en sorte que dans d'autres mondes, ils vont commencer à connaître des souffrances qu'ils ne connaissent pas présentement parce que seul l'homme les connaît. Deuxièmement, cela va aussi engendrer une responsabilité de parrainage par rapport à l'humanité vers ces autres mondes-là, ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'humain, s'il commence à faire la grève, et peut-être qu'il va la faire, ça dépend des choix des humanités, si l'humain commence à faire une grève, c'est-à-dire que l'humain commence à résister un peu plus aux pressions envoyées par les plans divins sur sa propre conscience, de façon à permettre à la conscience de l'homme d'évoluer, nonobstant l'évolution de conscience des mondes séraphiquement reliés à nous autres, donc des mondes qui existent présentement, ce ne sont pas des mondes parallèles, des mondes d'où proviennent de temps en temps des faisceaux extraterrestres, soit des extraterrestres en véhicule bien souvent, ce sont des entités. On en a déjà parlé dans une conférence spéciale. Et si l'être humain fait cela, il aura une responsabilité envers ces mondes-là, c'est-à-dire qu'il les fera souffrir. Les faisant souffrir, à un moment donné, l'homme devra aller dans ces mondes-là pour aller se faire pardonner, c'est-à-dire pour aller restaurer karmiquement, restaurer conséquentiellement les enjeux qu'il aura détruits à travers sa grève. Il faut comprendre l'idée, c'est que plus l'être humain... Premièrement, nous sommes reliés séraphiquement, donc par des corps séraphiques, des excroissances de l'enveloppe périsprétique de l'âme à d'autres mondes. Lorsqu'il y a eu une effusion... L'énergie qui est descendue dans un faisceau s'est éclatée et il y a eu des espèces de pattes d'araignée qui sont reliées ensemble et le centre du faisceau a abouti dans un des mondes refroidis qu'on appelle la planète Terre. Les pattes se sont réparties dans d'autres mondes, plus ou moins refroidis, mais moins refroidis que le nôtre, et cela engendre des mondes extraterrestres qui ont des contacts intimes avec nous autres. Plus nous allons conserver de l'énergie, plus nous allons nous énergiser, plus nous augmentons notre potentiel d'énergie jusqu'à un seuil critique qui est le seuil où l'énergie que nous accumulons peut maintenant être déversée dans ces canaux séraphiques et ça va nourrir les mondes extraterrestres qui sont à l'extérieur de ce que nous concevons comme planète. Ces mondes extraterrestres nécessairement reçoivent l'énergie de l'homme, donc la puisent chez l'homme, et ils ont tendance de temps en temps, certains phénomènes extraterrestres, les plus massacrés par les rébellions, parce que l'homme est quand même se rébelle de temps en temps contre cette structure. Les mondes les plus en danger par ces rébellions humaines vont, par le canal séraphique, se véhiculer jusqu'à notre monde à nous, et ils peuvent apparaître sous forme d'extraterrestres dans le but de dire à l'homme ce que l'homme doit faire, comment l'homme doit s'aplatir, ou etc., de façon à ce que l'homme puisse continuer à devenir un condensateur d'énergie qui accumule suffisamment d'énergie pour la redéverser dans ces canaux séraphiques, et les extraterrestres vont donc cesser de réapparaître dans notre continuum si nous accomplissons des demandes qu'ils font. Premièrement. Deuxièmement, si l'être humain arrive à bloquer l'écoulement du flux énergétique à travers les canaux séraphiques vers ces mondes, nécessairement, ces entités qui sont des entités comme l'homme, à caractère descendant, donc à caractère involutif, temporaire, sont conservées en stabilité par l'énergie que l'homme leur envoie involontairement à travers les canaux séraphiques. Donc, si l'homme décide d'obtempérer une grève, c'est-à-dire que l'homme arrive soit à placer, non pas dans le ciel, parce que le ciel a quand même une tendance déversante vers ces mondes extraterrestres, si l'homme arrive à conserver l'énergie qu'il va recevoir des phénomènes supramentaux, qu'il va arriver à rayonner lui-même à travers son essence supramentale amique, eh bien, si l'homme arrive à conserver cette énergie, cela veut dire que les mondes extraterrestres vont maintenant continuer, c'est-à-dire ou recommencer leur palier involutif, donc ils vont perdre de l'énergie, et les guerres vont commencer à apparaître sur ces mondes-là, les maladies vont commencer à apparaître sur ces mondes-là, les crises telles que nous les avons connues à l'époque lémurienne, atlantéenne, européenne, et aujourd'hui vont commencer à apparaître sur ces mondes-là, alors que chez nous ici, ces problèmes vont commencer à disparaître. Maintenant, nécessairement, si l'homme fait cela, il y a des chances que l'humanité fasse ce choix, mais ce n'est pas garanti. C'est un choix de l'humanité, et on verra comment le pilonnage du monde de la mort par les forces d'intelligence pourra servir et asservir l'astral de façon à ce que le choix soit fait. Si cela est fait, cela veut dire que la misère va commencer dans d'autres mondes. Et c'est pourquoi aussi, par transport séraphique, certains extraterrestres veulent kidnapper la génétique de l'homme de façon à garantir qu'ils n'auront pas à évoluer parce que se fusionnait à la conscience de l'âme, ils sont maintenant assis sur un véhicule qui est en train d'évoluer, donc ils éliminent totalement la possibilité de devenir des êtres involués jusqu'à devenir des phénomènes végétales pour après ça recommencer une prolifération évolutive. Si on fait une grève, on engendre donc des misères à travers d'autres mondes, ce qui veut dire que lorsque l'intelligence de l'homme sera suffisamment corporifiée, donc exprimée par son corps physique, lorsque le double éthérique aura été fusionné et que l'être humain aura suffisamment de conscience pour être capable maintenant, lui, de se véhiculer par transport séraphique d'une galaxie à une autre, donc d'un monde à un autre, eh bien, nécessairement, l'homme va commencer à se véhiculer. Et lorsqu'il va aller visiter ces mondes qui sont des frères, disons, énergétiques par rapport à le sien, au sien, il va arriver dans des mondes qui vont ressembler à ce que la planète Terre peut ou a ressemblé à l'époque romaine, à l'époque dépendant encore du temps, laps de temps solaire que l'homme va prendre avant d'arriver à une fusion totale de son double éthérique. Si ça lui prend 2000 ans, lorsqu'il va arriver vers ses planètes, il arrivera à peu près à l'époque de l'Atlantide, une époque qui sera similaire. On n'aura pas nécessairement les mêmes choses. Il n'y aura pas l'or calque, etc., l'or lourd, l'or léger. Mais il y aura des conditions qui seront, disons, archétypalement similaires à ce qu'on a déjà vécu. Et l'homme arrivera là et l'homme devra faire office d'aide, de guide et de sauveur, ce qui n'est pas le cas dans le continuum de l'homme. Il y a un parallélisme que l'on peut faire avec le passage du Nazaréen, avec le passage de Maitreya, qui est un bonhomme qui est passé là très, très, très longtemps, et on réattend encore parler de lui parce qu'on pense que c'est la fusion agglomérique des mémoires astrales de tous les grands avatars qui sont passés. Alors, lorsque l'être humain va revenir, la responsabilité donc karmique ou conséquentielle qu'il aura, ça sera justement qu'à l'instant où les premiers humains vont commencer à pouvoir se véhiculer en transport séraphique, ils devront être attribués à des mondes qui ont été drainés en énergie, c'est-à-dire que l'énergie, on ne leur a pas volé, mais on a cessé de leur en donner. Et ça leur a permis leur effondrement. Alors, l'homme devra donc être mandaté, se mandater lui-même. Ce n'est pas tout à fait une mission, mais un mandat. Et l'homme devra donc être capable de s'attribuer un monde où il sera le soutien de ce monde de façon à le restaurer et à rediriger les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, nous sommes les spécialistes de la merde. Nous sommes les spécialistes du monde astral. Nous sommes les spécialistes de la misère, les spécialistes de la guerre. Et dans ces mondes, il n'y a pas ce genre de contexte, ce qui fait que lorsque nous allons revenir ou lorsque nous allons aller dans ces mondes par transport séraphique en admettant une grève du point de vue planétaire au niveau de la nourriture envoyée énergétiquement à ces mondes, lorsque nous allons arriver vers ces mondes, nous allons avoir affaire à des animaux humains, à des animaux androïdes, à des animaux qui ne seront pas capables de comprendre la conscience, qui ne seront pas capables, plus capables de comprendre l'intelligence, qui vont être exactement comme l'animal humain a été il y a de cela quelques milliers d'années. Alors, on aura donc affaire à des schémas d'évolution qui prendront encore quelques milliers d'années standards pour que ces structures, même paramétrées par nous en tant que force catalysante melchisédienne ou encore en tant que force instructive michaélienne ou en tant qu'autre genre de force, nous ne pourrons pas intervenir, c'est-à-dire avec des armées et obliger l'animal à devenir humain. Nous devrons, encore une fois, contempler la misère que nous aurons réussi à éliminer sur le plan planétaire et nous l'aurons transmis par contagion à travers le reste des structures des galaxies de notre univers qui sont reliées à nous autres. Donc, ça crée une... On a le choix. On continue à manger de la marde pour que les autres n'en mangent pas, ou on finit par arrêter d'en manger, les autres vont en manger, c'est leur karma, on peut dire ce qu'on veut pour se sécuriser, pour se sentir non coupable. Mais à un moment donné, karmiquement, nécessairement, l'humain ne peut pas grimper en ayant un paquet d'enclume après lui. Ce sont des parties qui font affaire avec lui. Alors, il y a deux structures d'évolution. Il y a celle où l'humanité continue à payer, pas payer, pas payer, pas payer, alors qu'il nourrit les autres parties, les empêchant d'évoluer. Quand l'humanité va devenir absolument géniale, ceux-là vont être prêts à se réintégrer et ça va sortir. Et ça va prendre, disons, 10 milliards d'années. Et il y a l'autre solution, qui est celle où on fait la grève, où on coupe, où on souffre moins. Eux vont commencer à évoluer. Nous, on va évoluer plus rapidement. Après ça, on se projette dans ces mondes comme avatar. On instruit ces mondes, on arrive à les refaire évoluer à travers des milliers d'années, et finalement, on les relie et on s'en va, et ça va prendre approximativement 10 000 années. Y a-t-il pas présentement, Daniel, sur la planète Terre, des êtres qui viennent de ces mondes-là? Il y a des êtres qui viennent, oui. Oui, il y a des êtres qui viennent de ces mondes-là, mais il faut faire attention aussi, c'est que dans ces mondes, il y a des structures de densification, il y a des communications qui sont énergético-génétiques, donc ce n'est pas des communications qui se font exclusivement sous forme de ribose, de sucre avec 4 protéines, c'est un phénomène énergétique. Et il y a des entités qui sont capables de se scinder, dépendant des mondes encore une fois, pour arriver à augmenter leur potentiel d'énergie. Et ceux qui deviennent suffisamment réchauffés comprennent les problèmes du monde auxquels ils sont rejoints, auxquels ils sont restreints et reliés. Alors, de temps en temps, il peut y avoir des entités, des phénomènes qui vont, par transport séraphique, gagner notre sphère ici. On peut parler de On a déjà connu des phénomènes melchisédiens qui provenaient justement des sphères catalysantes. Alors, on a de temps en temps des visiteurs qui n'apparaissent pas dans une soucoupe volante. Ce ne sont pas ceux-là parce qu'ils sont suffisamment énergisés et qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de choses. Ils sont capables d'entrer en communication avec le système neuronique de certains humains ou le système endocrinien de certains humains. Cela peut engendrer des projections, disons, subliminales de forme, mais ce n'est pas matériel. Et plus souvent qu'autrement, cela va engendrer une espèce de luminosité intérieure qui va réchauffer la conscience de l'homme pour lui permettre d'englober dans sa conscience un savoir ou des connaissances. N'y a-t-il pas eu des avatars provenant de ces Beaucoup. Et ces êtres réchauffés viennent ici. Certains vont s'arranger pour que l'humain continue à souffrir. C'est évolutif pour l'humain. Ce n'est pas une condition problématique. Tu manges une claque en pleine face, tant l'autre joue. Ce n'est pas problématique au niveau de l'évolution, mais ça préserve les autres mondes de l'évolution qu'a connu le monde de la Terre. Est-ce qu'il n'y en aura pas présentement, sans prendre le temps? Oui, il y en a. Il y en a qui viennent pour que l'humain continue à souffrir. Il y en a qui viennent pour tempérer la souffrance de l'humain, mais il n'y en a aucun qui vienne pour aider l'humain à ne plus souffrir. Parce qu'immédiatement, ça va engendrer des souffrances dans leur monde. Mais il y en a quelques-uns qui viennent de façon à atténuer énormément la souffrance de l'homme, à vérifier s'il n'y a pas des moyens de partager l'énergie, etc. Ce sont des phénomènes qui proviennent des sphères que nous avons laissées dans des régions qui portent plus de vibrations bouddhiques que supramentales. Et on en a qui viennent dans des sphères qui portent plus d'énergie supramentale que d'autres formes d'énergie, qui viennent simplement pour appuyer les systèmes archangéliques, c'est-à-dire les systèmes de gestion des évolutions collectives. Et il y a quelques phénomènes qui viennent des mondes un peu plus bas, qui n'évoluent pas, des mondes mentaux ou astrales. Et ceux-là viennent en soucoupe volante, c'est-à-dire qu'ils sont projetés ici par transport séraphique. Ils vont se servir de la structure atomique de notre planète pour engendrer leur véhicule à eux-mêmes. Et puis, ceux-là, ils se présentent devant RG, devant... Est-ce que c'est... Quand tu as mentionné tantôt que si on faisait la grève, certains de ces mondes-là pourraient devenir malades. Est-ce que ceux-là pourraient devenir malades, ceux qui viennent sur notre planète? C'est difficile pour nous d'imaginer que des gens qui sont capables de fabriquer des vaisseaux spatial tel qu'ils le font et de matérialiser un corps et dématérialiser ne peuvent pas se guérir ou éliminer la maladie. C'est comme de dire, c'est compliqué, c'est dur de penser qu'un être humain en parfaite santé ne puisse pas se maintenir en santé. Maintenant, rends-le malade, il ne pourra pas se guérir. Alors, pourquoi? Parce qu'il aura évolué. Alors, ces êtres-là ne partent pas de la structure involutive que nous connaissons, ils partent d'une structure qui est conservée à un niveau énergétique parce que nous leur donnons de l'énergie, involontairement, et inconsciemment dans la majorité des cas. Et s'ils baissent en vibration, là, ils vont devenir malades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont oublier sur quel piton peser pour faire décoller la soucoupe. C'est pas de leur faute. À un moment donné, ils vont essayer celui-là, puis hop, ça va revenir. Là, ils vont devoir commencer à faire des panneaux pour indiquer quel piton peser. Après ça, ils vont devoir mettre un gars brillant qui n'oubliera pas de lire le panneau parce qu'il oublie de savoir quel piton peser. Et puis finalement, la soucoupe, eh bien là, on doit entraîner les génies et on élimine de plus en plus les contingences qu'on voyage avec. Et finalement, les génies savent plus trop. Et puis là, il y a un problème électronique. Le gars qui réparait, il est rendu dans une religion. Et puis, et on ne sait plus comment le réparer. Et puis, lentement, les choses se désagrègent. Ça va prendre des milliers d'années. Et jusqu'au jour où on pourra contempler des vestiges, des statues, c'est-à-dire peut-être une navette spatiale accrochée après sa rampe de lancement, puis on se demande qu'est-ce qu'il a fait là, qui l'a bâti, qui l'a mis là. Parce qu'on ne s'en rappelle plus. Et c'est ce qui va arriver, simplement. Ces mondes sont des mondes à refroidissement. Ils ont besoin d'énergie pour se maintenir. Et l'énergie. Regarde, comme tout à l'heure, je parlais du soleil, etc. Ce qu'il faut penser, il y a un bonhomme un jour qui a dit « Tu ne peux arracher une fleur sans déranger une étoile. » C'est exact. Mais quand on parle d'étoile, on parle d'un système. Il y a dans la projection de notre univers des problématiques. Si je prends un atome et que je le brise en deux, quelque part dans cet univers, un soleil meurt. Alors, la problématique est de savoir que si nous faisons une guerre nucléaire, la guerre nucléaire que nous allons connaître est une guerre nucléaire en majorité de fusion. C'est-à-dire qu'au lieu de briser un atome d'hydrogène, on le fusionne avec un autre et on en fait de l'hélium, bombe à hydrogène. Mais la problématique, c'est que quand cela arrive, des soleils entrent en contact et les soleils se soudent. Il y a une explosion majeure d'énergie et il y a deux soleils qui en deviennent un seul. Maintenant, la problématique est de savoir que si l'être humain qui est le seul à pouvoir régir le système atomique de cette façon, parce qu'il est le seul suffisamment près de la matière atomique pour être capable de la bouger, tandis que dans les autres plans, on ne peut pas. Alors, si l'être humain fait sauter, disons, 20 bombes nucléaires, quels sont les soleils qui, dans la projection atomique, vont être altérés? Alors, si l'être humain, par exemple, fait sauter une seule bombe nucléaire et que dans ces électrons qui vont être fissurés ou fusionnés, notre soleil s'y trouve, nous n'existerons plus. En même temps que nous aurons fait sauter une bombe nucléaire, il y aura eu une catastrophe stellaire qu'on ne pourra pas expliquer, on sera plus là pour l'expliquer. Alors, dans les autres mondes qui ont un taux vibratoire plus évolué, ils comprennent très bien eux autres. Quand ils regardent le ciel, c'est leurs atomes qu'ils voient. Sauf que c'est l'atome de qui? C'est peut-être l'atome de son doigt, projeté à une échelle cosmique au niveau du ciel, avec les particules subatomiques et un paquet de choses. Mais ça peut être aussi les atomes du doigt d'un humain. Et on ne le sait pas. Mais c'est les atomes de nos corps physiques. Lorsque nous allons altérer dans la matière l'atome, l'univers est un univers que dans un microscope tu peux te voir, donc nécessairement ton système atomique est celui qui est en haut. Quand tu arrives à fissurer un atome, tu fissures un soleil, parce que l'atome, c'est un soleil. Mais dans un monde où tout est sans limite mais fini, nécessairement il y a un parallélisme qui fait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais c'est tout ce qui est en haut est ce qui est en bas, et non pas comme. Alors, il va arriver un moment donné où ce système extraterrestre se pose de très grandes questions, à savoir, pètez-vous la fiole si vous voulez, mais il y a certaines régions de votre planète que vous devrez épargner, et il y a certaines matières que vous ne devrez pas fissurer ou fusionner, parce que ça va créer des problèmes. Alors, il y a nécessairement des avatars, comme tu dis, qui sont projetés ici dans le but de gérer la guerre de l'homme. Il y a plusieurs petits points comme ça qui sont intéressants, qui intéresse d'autres plans, parce que l'homme n'a vraiment aucune conscience au temps de cela. Alors, lentement, si on bloque leur réchauffement énergétique ou leur stagnation énergétique, ils vont évoluer. Alors, nous allons évoluer, c'est bien. Je te le dis. Balance. Il y avait une autre partie à cette question. Si l'homme est un prototype densifié, protégé dans les mondes froids pour agir comme catalyseur afin de résorber ou de réénergiser les énergies densifiées. Peut-on dire que l'homme est une solution complémentaire et une à la résorption créationnelle? Bon, l'homme est une solution complémentaire qui est unique, hein, et à la résorption créationnelle. L'homme est une solution complémentaire qui, sans elle, aucune solution n'a de l'allure. Donc, l'homme n'est pas une solution complémentaire, l'homme est une solution unique auquel va venir se complémentariser d'autres solutions qui peuvent, elles, être interchangeables, mais pas l'homme. C'est différent. Alors, les extraterrestres, nous pouvons, si le règne humain disparaît avant d'avoir atteint son plafond, tout est à recommencer, c'est-à-dire qu'on devra recréer de l'homme. Si des contingences extraterrestres, supramentales, des soleils, etc., disparaissent, ça peut être remplacé par tellement de choses. Je regarde le mot unique. Un coup, tu l'as dit, j'ai trouvé qu'est-ce que c'est, puis il n'est pas si mal écrit. Comment ça se fait que des fois, j'ai énormément de... Parce qu'il est très mal écrit, mais comme je t'expliquais l'autre fois, c'est parce qu'énergétiquement, je lis la question. Donc, lisant la question énergétiquement, je connais ce qu'elle veut dire. Connaissant ce qu'elle veut dire, les mots sont maintenant bien écrits. Comme maintenant, tu le sais, c'est lisible. Quand tu le sais pas, c'est pas lisible. C'est mal écrit. Parce que là, il est bien facile à voir. Tantôt, je ne suis pas capable. Qu'est-ce qu'un monde froid et un monde chaud? Est-ce que les mondes froids sont tous quadridimensionnels? Alors, malgré que je déteste, je verrai quand même... Non, je déteste assez que je ne le ferai pas. Bon. Un monde froid et un monde chaud. Inventez une autre histoire pour l'expliquer. Est-ce que les mondes froids sont tous quadridimensionnels? Non, pas nécessairement. Un monde froid, c'est un monde qui a perdu énormément de sa structure énergétique au profit de certains soleils. Et à travers, sur ces mondes froids, il existe des entités qui sont involutives ou qui sont évolutives, qui ont la capacité de perdre de la chaleur ou d'en gagner. Alors nous sommes, nous, des réactions du point de vue énergétique, nous sommes des réactions endothermiques, c'est-à-dire que nous ramassons l'énergie extérieure. Alors que la majorité des mondes froids ont des réactions exothermiques et libèrent de leur énergie. La planète Terre libère de l'énergie, elle va se réchauffer prochainement parce qu'elle va devenir elle aussi endothermique, capteur d'énergie. Les mondes chauds, ce sont des mondes qui ne perdent pas d'énergie ou qui en perdent tellement peu que ça ne peut pas compter pour l'instant dans le chronomètre cosmique. Voilà. Est-ce qu'un monde froid... Non. Pas quadridimensionnel. La trame de l'espace-temps a-t-elle une structure différente selon le degré de densification des énergies? Oui. Est-ce qu'on peut parler de monde froid lorsque les énergies sont plus densifiées? Oui. Quelles sont les traces dans notre espace-temps quadridimensionnel des 13 dimensions initiales de la création? La force faible atomique est une des dimensions. La force forte atomique est une des dimensions. La courbure spatio-temporelle que nous appelons la gravité est une des dimensions. Enfin, c'est l'expression de quatre dimensions que nous ne connaissons pas, mais que nous connaissons selon une expression. Et il y a d'autres phénomènes qui seraient un peu compliqués à expliquer, pour la simple raison qu'il faudrait avoir lu au moins des livres d'astrophysique pour comprendre l'idée. Quand je parle de la force forte, par exemple, on connaît la force de répulsion des systèmes atomiques. Lorsque deux protons s'approchent, ils sont répulsés. Si deux protons arrivent à une vitesse suffisamment rapide, ils vont, à cause de la vitesse, se rapprocher à un point tel que maintenant la force forte va les agglomérer ensemble, ce qui permet l'agglomération de plusieurs protons dans un noyau d'atomes. Alors la répulsion est une force qui est l'expression de différentes dimensions, des 13 dimensions, et quand on approche très très très très proche des structures, cette force-là n'a plus la force de répulser, une force plus forte, la force forte, la plus forte exprimée de l'univers, de notre univers, entre en marche et les agglomère ensemble. Alors, ce sont des expressions. La courbure spatio-temporelle, c'est la même chose. La Terre ne nous attire pas. Par contre, la Terre engendre une courbure du temps et de l'espace qui fait que nous sommes écrasés sur la Terre par le temps et l'espace. Et quand nous voulons sauter, nous étirons toute la courbure spatio-temporelle, un peu comme si vous aviez une membrane de cellophane sur la tête, bien attachée après le sol. La Terre, elle vous attire plus, même plus nécessaire qu'elle vous attire. La rotation de la planète aurait même tendance à vous garocher au fin fond de l'univers. C'est pas ce qui arrive parce que la Terre est dans un anneau d'espace-temps qui écrase. Et on parle de quatre dimensions avec le haut, la largeur, la hauteur, la profondeur et le temps, alors que ce sont des expressions déjà contractées des 13 dimensions. Voilà. Quels sont les effets de l'éclairage au néon pour la personne? Premièrement, ça l'éclaire. Deuxièmement, le néon est une stroboscopie, c'est-à-dire que le néon fonctionne par impulsion stroboscopique et cela engendre un phasement, cela engendre une manipulation qui oblige certaines structures oculaires et cérébrales du cerveau de l'homme à entrer dans une espèce de relation de synchronisme avec le stroboscope néon, ce qui déphase la structure de réflexion de l'homme par rapport à sa structure naturelle. Autrement dit, lorsqu'on a un éclairage de néon, on est extrêmement perturbable et on est extrêmement perturbé, ce qui fait que dans toutes les écoles, on ne devrait jamais placer des néons. Voilà. L'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, pourquoi un sujet de conférence si incompréhensible pour l'homme et si peu utile pour l'instinct? Pour la simple raison que c'est un sujet extrêmement utile pour l'instant, parce que ça permet de descendre dans la conscience de l'homme des éléments qu'il pourra se servir lorsqu'il en aura besoin, alors qu'il sera peut-être un peu plus perdu. Deuxièmement, cela permet d'aller chercher une énergie qui n'est pas présente suffisamment sur la planète et qui énergise énormément la structure de l'homme, premièrement et deuxièmement. Et cette conférence, elle est extrêmement intéressante et importante, parce qu'elle permet à certaines consciences au niveau des mondes de la mort et à certaines consciences au niveau des mondes de la vie de s'ouvrir à d'autres phénomènes que celui qui est normalement soutenu par la structure émotive illusoire de la psychologie qui fait en sorte que l'homme pense toujours en potentiel d'avoir une omnipotence, une omniprésence, etc. En plus, cela permet à la conscience qui veut s'éveiller un peu de comprendre que l'homme ne doit pas attendre d'être sauvé par des entités divines appelées omnipotentes, omniscientes et omniprésentes. Et deuxièmement, parce que l'homme doit aussi comprendre qu'il a un rôle à jouer jusqu'à un certain plafond donné, et que si l'être humain se rend à ce plafond, c'est extrêmement beau. Cela permet aussi de poser la question « comment parvenir à ce plafond ?» au lieu de poser la question « comment parvenir à sortir de la création ?» Donc, la question est beaucoup plus précise et peut amener des réponses beaucoup plus utilisables par l'homme. Deuxièmement, cela aussi permet à l'être humain de poser la question « lorsque nous aurons atteint le plafond, est-ce qu'il y a des mécanicités nous permettant de devenir autre chose que de l'homme pour traverser le plafond ?» La réponse étant oui, sauf que jusqu'à date, l'humain n'a pas encore posé les bonnes questions. Mais c'est une conférence extrêmement utile. Quelle mécanicité fait en sorte que l'homme atteint l'état évolutif d'archange ou de Melchisédek? Quelle est la relation entre ces deux états? Quelle mécanicité fait en sorte que l'homme atteint l'état évolutif d'archange de Melchisedec? Quelle relation existe entre ces deux états? L'archange est un phénomène implanté par des forces d'involution divine, implanté dans la structure astrale, et l'archange réagit normalement à des structures d'avatars qui proviennent normalement de d'autres mondes, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le Nazaréen. Et les archanges sont ceux qui vont aider les conservateurs de la tradition à manipuler les troupeaux. L'archange est le protecteur de la masse, le protecteur du passé, le protecteur de la tradition. Tradition engendrée par l'avenir dans la conscience mémorielle passée de l'homme, de façon à ce que l'homme suive une trame pour se diriger vers un avenir potentiel qui est assez attractif pour lui et attirant pour lui, parce qu'il semble découler logiquement de la trame traditionnelle du passé, alors que le passé n'a jamais existé, que le passé dans la tête de l'homme est toujours implanté par l'avenir, de façon à obliger l'homme, par extrapolation, à se diriger vers l'avenir qui implante le passé. L'archange est celui qui va réagir aux phénomènes hautement spirituels des mondes de la mort, de façon à préserver les traditions pour que l'être humain en troupeau se dirige là où l'être humain en troupeau se dirige. Le Melchisedec est un phénomène qui n'est pas nécessairement un avatar, et qui provient soit d'une hiérarchie cosmique qui n'est pas, disons, attribuable à un monde parallèle, ou à un monde parallèle, oui, mais pas à un monde connexe par canal séraphique, donc à un monde extraterrestre. De temps en temps, on peut avoir une force melchisédienne qui peut provenir des mondes extraterrestres, mais ça ne s'est à peu près jamais vu. Et le Melchisedec ne vient ici que par manipulation des contingences omni, qu'on a parlé tout à l'heure, manipulées par de l'intelligence supramentale dans le but d'accélérer l'évolution d'une race humaine sans y prendre part. Donc, le Nazaréen n'était pas un avatar catalyseur, le Nazaréen n'était donc pas un Melchisedec. Par contre, on a des personnalités qui ont été melchisédiennes, qu'on n'a pas entendu parler ou qu'on n'entend à peu près jamais parler, parce qu'ils ont accéléré l'évolution de l'humanité sans y prendre part. Et lorsque tout à l'heure, je parlais qu'un être humain peut devenir un Melchisedec, l'être humain va maintenant servir de catalyseur d'évolution. Il pourra donc manipuler l'humanité actuelle, celle-ci, ou manipuler les autres formes d'humanité extraterrestre sans y prendre part. Un être humain qui refuse totalement la fusion avec son double éthérique devient instantanément Melchisedec, premièrement. Et un être humain qui... Ben voilà, ça c'est comment on devient Melchisedec, c'est refuser la fusion avec son double éthérique, on devient Melchisedec. Lorsqu'on a un double éthérique totalement constitué et qu'on refuse la fusion avec, on devient Melchisedec. Bon. Est-ce que tu as un choix de la fusée? Oui, à ce niveau-là, il y a un choix. À ce niveau-là, oui. Et comment on devient un archange du point de vue humain? L'homme ne devient pas un archange sur sa propre planète. Non, la question ne se pose pas. La relation entre les deux états, on explique, le Melchisedec accélère une évolution sans prendre part. L'archange, lui, va contrôler l'évolution sans y prendre part. Quand tu dis que l'homme est limité, est-ce que tu parles de l'homme galactique ou l'homme extra-créationnel? Quand je dis que l'homme est limité, c'est parce que je précise un peu plus aujourd'hui certaines terminologies que j'employais avant. L'homme extra-créationnel est une farce, c'est-à-dire que l'homme extra-créationnel n'est pas un homme extra-créationnel. L'homme, le règne de l'homme s'arrête là où les omnis vont commencer. Le règne de l'homme s'arrête d'ailleurs plafonné à son système universel. Donc, le règne de l'homme s'arrête à la conscience supramentale intimement reliée et colorée par une conscience bouddhique. Le règne de l'homme s'arrête là. Donc, il n'y a pas d'homme au-delà de ses forces, au-delà de ses sphères. Donc, il n'y a pas d'homme au-delà de la création. Il y a un être, par exemple. Il y a un être, ça va de soi, ça, c'est bien, c'est intéressant, ça, félicitations. Sauf qu'il n'y a pas d'homme. Il y a un être sans corps physique. Oui, oui, mais il n'y a pas d'homme. La question est mal posée. Qu'est-ce qui manque en dehors du corps physique? Lorsque l'homme chemine et que lorsque l'homme arrive à une conscience particulière, vraiment, ce qu'il faut comprendre, et c'est encore extrêmement utile de savoir ce genre de choses, et je reviens encore un peu sur la question de tout à l'heure, c'est que les conférences du mot sont des conférences surtout au caractère énergisant. Quand on veut apprendre des choses immédiatement mises en pratique, on vient aux conférences du vendredi, où on suit des cours, des séminaires que je donne. La conférence du mot est un survolteur énergétique qui oblige les neurones à reprogrammer leur structure de connexion et qui énergise énormément l'humain et son système endocrinien, ce qui permet à l'humain d'arriver à affronter à peu près n'importe quel vent, permettant donc à l'astral et à l'ego de l'homme d'arriver à mieux supporter des conditions de misère, de catastrophes qui peuvent apparaître à un moment donné, parce que l'ego aura tellement subi des mutations au niveau de la brisure des formes, que finalement, amenant, ça ne dérange plus, c'est même intéressant et nourrissant. Lorsque l'être humain suit son cheminement évolutif, il parvient à une conscience supramentale qui lui donne accès à une mémoire galactique. La mémoire galactique est intimement paramétrée par une mémoire du plan bouddhique qui est l'essence même entre les galaxies d'un univers, même si c'est l'énergie du point de vue pur que l'on retrouve entre les univers et les super-univers, et les autres univers dans le super-univers. Lorsque l'être humain arrive à la conscience supramentale, il a accès donc à un savoir qui semble instantané parce qu'il est relié à 300 000 km à la seconde de déplacement dans un système neuronique qui prend à peu près 6 pouces par 6 pouces par 6 pouces de volume. Et l'être humain, de toute façon, devra engendrer pour pouvoir mieux arriver à ce phénomène d'une conscience à 300 000 km à la seconde, engendrer un troisième cerveau qui sera un cerveau relié à la glande pinéale, un cerveau dans l'éther, un cerveau qui sera le cerveau de la constitution de son dôme éthérique. Fusionné à l'homme, cela engendrera une troisième cérébralité qui permettra à l'homme d'avoir une conscience éthérique, même si la conscience éthérique pourra être en contact avec une conscience planétaire, cartésienne et intuitive, reliée à ces deux hémisphères cérébrales. Les cerveaux... ...telle une bombe nucléaire, c'est-à-dire que l'être humain doit totalement être détruit, dans une correspondance particulière, c'est-à-dire que la bombe nucléaire, c'est exactement comme si l'humain doit s'accoter sur la membrane et éclater dans la membrane et non pas éclater à l'extérieur. Ça ne doit pas être une implosion du point de vue de l'univers, ça doit réellement être une explosion où toutes les petites particules de cette explosion vont être capables de traverser la barrière thermique, donc la sphère, et ça va sortir à l'extérieur et là, notre être humain n'existe plus. Par contre, tout ce qui l'a constitué n'est plus un être humain. Il vient d'être précipité dans un autre continuum d'évolution, où là, la chose qui reste là, ce n'est pas un homme, mais le Dieu qui vient de naître dans ce monde, et ce n'est pas un homme, ce n'a pas de corps physique, ce n'a pas de corps astral, ce n'a pas d'ego, ce n'a pas de dôme éthérique, ce n'a pas de corps supramental, ça n'a plus rien de ça. Mais c'est ce qui était là, qui n'est plus là, qui est maintenant de l'autre côté, mais ce n'est plus pareil. Donc l'homme est plafonné, l'homme peut, il y a énormément d'humains qui vont rester plafonnés là, pendant des milliards d'années, sans souffrir. Tu as un niveau où tu ne souffres plus, tu as un niveau où tu t'en balances. Mais l'être humain, à un moment donné, peut exploser et s'autodétruire, et là, il devient un phénomène divin qui a maintenant accès à une fusion avec un double bouddhique, qui a maintenant accès à une fusion avec un double divin, donc avec une intentionnalité. Et par la suite, ce phénomène-là, intra-réactionnel au niveau divin, pourra aussi un jour arriver à exploser totalement à l'extérieur de la création pour gagner l'extra-créationnalité. Et quand je dis l'homme extra-créationnel, ben c'était simplement pour faire comprendre que de temps en temps, certains événements humains peuvent parvenir. Lorsque l'homme fait cette implosion-là, est-ce qu'il peut continuer à faire un travail sur la planète Terre? Non. Lorsque l'homme explose, oui. Lorsque l'homme explose, non. Il ne peut pas matérialiser encore. Lorsque l'homme explose à l'intérieur de son univers, il recommence le processus de l'effusion. Donc, il redescend simplement, il recrée un paquet de corps physiques, un paquet de personnes, et puis bref, c'est une évolution. Mais lorsque l'homme crée une explosion réelle, donc lorsque l'homme sort de la structure universelle, il ne connaît même plus le monde de la Terre. Qu'est-ce qu'il apporte avec lui? À quoi a servi cette expérience-là? Il manque énormément d'énergie dans notre univers. Il en manque? Oui. Ça fait un vacuum. Ça fait une suction. Suction. Ça fait une suction intéressante qui fait qu'une grande partie de la matière de notre univers est maintenant sauvée. Elle est sortie de la limitation universelle. Est-ce que ça crée de l'espace pour que d'autres accomplissent? Non, ça crée un rapprochement des galaxies, un rapprochement de toute la structure universelle, et ça crée un rapprochement des humains, ça crée un rapprochement d'un paquet de choses. Maintenant, il faut comprendre que lorsque l'homme arrive à ce phénomène-là, il est déjà passé par la négoïsation, il est déjà passé par la fusion de multitudes de personnalités réincarnatives. Donc, lorsqu'un être humain crée une explosion extra-universelle, finalement, actuellement, ça peut être des centaines de milliers de corps physiques humains qui vont exploser de l'autre côté. Par fusion réincarnationnelle dans un seul corps. Lorsque c'est quand tu parles de l'autre côté, tu parles du monde de la mort. Non, je parle au-delà de notre univers. Dans le super-univers. Ce que je veux dire, c'est que lorsque cela va arriver, il y aura déjà 144 853 corps physiques à l'échelle de notre planète. Il y aura énormément de manipulations d'ordre vital faites par l'homme. Donc l'homme sera totalement désassujetti des contingences matérielles et des limitations de la matière. Et il y aura donc le monde de la mort n'existera déjà plus. Sinon, on dit que ça ne s'est pas produit encore. Non. À part Michael. Il l'a accompli, lui. Mm-hmm. Quand il l'a accompli, il a donné un beau coup de cochon à l'évolution de l'humanité. ça ne sera pas ce vacuum-là qui a fait en sorte, Daniel, qu'on l'a adoré pendant si longtemps, qu'on l'a prié, qu'on a passé énormément d'énergie et de temps. Non, premièrement, on l'a adoré parce que Michael, donc Jésus, était un avatar. Ce n'était pas Melchizedek. Donc, il a catalysé l'évolution de l'humanité en y prenant part. Donc, le fait d'y prendre part laisse des traces mémorielles susceptibles d'être retracées au niveau du monde de la mort, tel fut le cas du Nazaréen. Et le fait qu'il ait disparu si rapidement, ben, c'est surtout le fait qu'on s'en rappelle, c'est le fait des traces qu'il a laissées parce qu'il a participé à notre évolution. Donc, nécessairement, on peut pas l'oublier. La succion elle-même, elle n'est même pas connue des gens, elle n'est même pas connue du monde. On dit qu'il a sauvé l'humanité, il a sauvé son humanité, il est parti avec, mais c'est tout. Oui, mais justement, il a refait un corps de lumière après. Tantôt, tu m'as dit. Ah oui, il a refait un corps de lumière. Il l'a densifié. Non, non, non. Encore là, tu pousses. Mais je pousse, je vois selon ce que la tradition nous a dit. Oui, je dis, mais quand je dis pousse, tu pousses bien. C'est que le corps de lumière qui est réapparu devant les apôtres, ce n'était pas le Nazaréen. Non, mais il a demandé 3-4 jours pour pas qu'on lui touche, pour densifier son corps, pour rendre son corps moins atomique, moins vibratoire, moins hautement vibratoire. Mais ce n'était pas le Nazaréen. C'était de la mémoire de Nazaréen. C'était une entité lazarienne. Ce n'était pas la mémoire du Nazaréen. Celui qui est apparu devant les apôtres, ce n'était pas le Nazaréen. Mais il avait la connaissance pour continuer à ce que les autres croient que c'était lui. Mais ça va de soi. Mais ce n'était pas le Nazaréen, il n'était déjà plus là. Oui, mais pour moi, là, ça va en contradiction avec ce que tu disais tantôt, lorsque tu disais que il disparaît totalement, il ne peut pas refaire un corps physique exact. Sur la planète Terre. Exact. Lorsque une personne, lorsqu'un être humain, lorsqu'un être explose totalement au-delà de l'univers, il n'existe plus dans notre univers. Quand on dit, par exemple, le retour de Michael, Michael ne reviendra pas ici. Par contre, lorsque le Nazaréen disparut totalement, le corps de lumière qui est apparu devant les apôtres, ce n'était pas le Nazaréen. C'est une copie conforme. C'était une copie conforme, contrôlée. Mais ce n'était pas le Nazaréen. C'était un corps de lumière qui appartenait à Lazare. Mais ce n'était pas le Nazaréen, il n'était plus là. C'est un autre tour qu'on a joué à l'humanité. C'était le corps de Lazare. Son corps de lumière. Michael est parti, il ne reviendra pas, ça ne vaut pas la peine qu'il revienne. Lazare est là. C'était son testament. De toute façon, une partie du testament, c'est Pierre qui l'a porté. Puis l'autre partie, c'est... Toutes les dettes, c'est Pierre qui les a eues sur le dos. Puis tout est actif, ben là, c'est... Lazare qui les a. Mais le corps était conforme à celui du Nazaréen. Ça va-tu voir, le corps était conforme à la vision que les apôtres voulaient avoir de lui. Puis il a été densifié par la suite. Densifié suffisamment, oui. Pour mais pas trop. Juste assez pour qu'on puisse y toucher. Combien de temps est-ce qu'il a vécu, ce corps-là? Ce corps-là a vécu combien d'années? Il a vécu un peu plus de 32 ans. Est-ce qu'il a été abandonné volontairement ou par vieillesse? Non, il n'a pas été abandonné par vieillesse. Par contre, ce corps-là, il s'est entouré, il a possédé une forme d'un corps qui était déjà mort et qui l'a ramené et il a animé ce corps pendant ses 32 années et par la suite, ce corps de lumière est disparu. Le corps physique était vieillissant et le corps physique a vieilli et mort par la suite et donc il a pourri. Une partie de ce qui habitait ce corps physique a été restauré en corps physique ailleurs, c'est-à-dire qu'on a ramassé le corps d'une personne qui n'avait aucune conscience, un animal, l'animal humain, un peu de conscience dedans, mais ça, on l'a fusionné, donc ça l'a donné un coup de pouce à l'humain, et on a abandonné une partie de ce qui avait été ressuscité dans Lazare dans ce corps-là, et ça a été Jean le Baptiste. Par la suite, le reste du phénomène lazaréen n'existait plus, et il y a eu de temps en temps des possessions par ce double de lumière de d'autres corps physiques, qu'on a connu jusqu'à la plus grande création de ce double de lumière a été la possession d'un enfant débile, abandonné tout seul, et qui est devenu par la suite le comte de Saint-Germain. Et on a eu d'autres phénomènes de ce genre. D'autres phénomènes de ce genre, tu veux dire? Il y en a encore aujourd'hui. Des testaments, c'est-à-dire des corps laissés comme ça. Parce qu'il y en a eu plusieurs corps de lumière qui se sont fabriqués, mais qu'on n'a pas, donc la tradition n'a pas... La tradition n'a pas parlé. N'a pas parlé énormément, c'est ça, oui, il faut, faut fouiller réellement profond pour aller les trouver. Mais est-ce que c'est nécessaire, justement, vu qu'on est sur le point que... Pas pour nous autres. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un leg de part d'individu à individu pour qu'un corps de lumière soit formé? Si on prend, par exemple, parce que où on peut retrouver ces informations-là, c'est à travers les sociétés secrètes, surtout. Qui ont été engendrées par Lazare, seulement. Les autres? Le Ku Klux Klan ne trouvera rien là-dedans. Ah. C'est la plus grande société secrète actuellement vivante sur la planète Terre. C'est l'une des plus puissantes, l'une des plus secrètes. Il y a tellement de sénateurs et de présidents qui en ont fait partie, personne ne le sait. Mais c'est une société secrète géniale. Mais elle n'a pas été conçue par Lazare et tu ne trouveras jamais aucune tradition de ce genre là-dedans. Dans la franc-maçonnerie, oui. Dans les Rose-Croix, oui. Dans d'autres sociétés secrètes qui proviennent surtout de l'Europe, oui. Mais pas dans les sociétés secrètes comme le Ku Klux Klan, comme les assassins, comme les castrateurs de Russie, non. Non, pas dans ceux-là. Je ne faisais pas référence à ceux-là non plus. J'avais dû être plus précis. Maintenant, je voudrais juste revenir, Daniel, là-dessus. Lorsqu'il y a l'aigle de corps de lumière en corps de lumière... Il n'y a pas l'aigle de corps de lumière en corps de lumière. Le terme est inexact. Le corps de lumière reste là, il lâche un corps physique et il se spiritualise, donc il se morontialise et il disparaît donc de la vision de l'individu. Jusqu'au jour où un corps physique n'est pas suffisamment convenable, mais un corps jeune. Alors le corps de lumière va commencer à se stabiliser à l'intérieur de ce corps jeune, le réénergiser, et il va terminer il va réparer premièrement les erreurs biologiques qu'il y a dedans par sa structure lumineuse, donc par la structure éthérique, et par la suite il va développer le corps à une vitesse plus rapide que la vitesse courante, et il va l'habiter en tant qu'adulte, et maintenant cet adulte-là sera un être humain qui transpirera ce qu'il habite. Mais il y a eu autre corps de lumière que celui qui est parti du Nazaréen. Oui, mais ce ne sont pas... Ce sont des corps éthériques. Il y en a eu d'autres. OK. J'arrive à la deuxième partie de cette question. Est-ce que ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau dans le passé et qui n'existent pas dans notre monde, comme le Nazaréen et les autres sur Bételgeuse ou quelle étoile, sont limités à 300 000 km à la seconde. Bon, le Nazaréen lui-même n'existe plus en tant que quantité christique humaine. Michael n'est plus limité à 300 000 km à la seconde. Est-ce que ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau dans le passé et qui n'existent pas dans notre monde, comme le Nazaréen et autres, tous ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau dans le passé existent encore dans ce monde aujourd'hui? Le Nazaréen, lui, n'a pas fait le choix de l'homme nouveau, il a fait le choix de Dieu, c'est pas pareil. Il était nouveau quand même à ce moment-là. Non, c'est un choix de Dieu. C'est pas un choix d'homme nouveau, c'est pas un choix de surhomme, c'est un choix de Dieu. Et ça, l'humain ne peut pas faire un choix de Dieu si l'humain n'est pas appelé à faire un choix de Dieu, chaque étape en passant. À 12 ans, il a fait le choix de l'homme nouveau, disons. Bon. Puis après ça, à 18 ans, il a fait le choix de Dieu dans le ciel, puis à 22 ans, il a fait le choix de Dieu dans les cieux, puis à 32 ans, il a fait le choix de sacrer son camp. Ça, ce sont des choix qui étaient involontaires, c'est-à-dire volontaires ou involontaires, il n'y avait pas le choix de le faire. Il faut faire attention. Ce sont des choix qui sont volontairement, involontairement volontaires. Du point de vue de l'homme, et volontairement involontaires du point de vue cosmique. Comment s'opère le transfert entre les trois omnis et la création? Comment peut-il être impossible à la conscience de l'homme de sortir alors qu'elle est en vie? Il y a sûrement une... Sûrement une porte. Une porte. Comment se fait le transfert entre les trois omnis et la création? Non, on ne parle... ce sont des schémas de conscience. C'est parce qu'on essaie de comprendre le phénomène à partir de ce qu'on voit dans la matière. Il n'y a aucune relation réelle entre les omnis, qui sont certaines créationnelles, d'autres extra-créationnelles, et le système de l'homme. Par contre, on peut voir l'expression d'un omni dans le monde de l'homme. La relation, elle est mémorielle. Comment peut-il être impossible à la conscience de l'homme de sortir alors qu'il est... Voyez-vous, l'homme, impossible à la conscience de l'homme de sortir, c'est très, très, très simple, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la conscience de l'homme, elle est limitée, totalement limitée. La conscience de l'homme, elle fait référence à un cerveau. Le cerveau est limité. La conscience de l'homme, du point de vue supramental, fera référence à une nébuleuse supramentale, donc qu'on appelle le troisième cerveau. Mais c'est aussi de la structure qui est limitée par la gestion de découlement de la vitesse, donc par 300 000 km à la seconde. C'est limité. La conscience de l'homme, la conscience astrale de l'homme peut bien vouloir sortir plus haut que ça, pouvoir imaginer des choses, ça ne marche pas. L'homme, par contre, devra ne plus être un homme, c'est pas compliqué. On ne devra plus être un humain. C'est pas en se suicidant, on devient un mort qui redevient un humain. C'est pas comme ça. Mais l'être humain devra ne plus être un être humain. Donc, il devra, évidemment, finir par comprendre qu'il n'est pas un corps, qu'il vit un corps, qu'il habite dans un corps, qu'il n'est pas une âme, que l'âme est un virus, un parasite qui habite la conscience de l'homme, qu'il est une conscience qui a besoin de certaines choses et le limiter là. L'homme n'est pas un terrien, l'homme n'est pas une créature. C'est sûr que la conscience de l'homme n'est pas cela. Si on regarde simplement le véhicule corporel d'un homme, c'est une créature. La conscience astrale de l'homme, c'est une créature du temps. Mais la conscience instantanée de l'homme, c'est une créature qui n'est pas une créature. Ça n'existe pas. La conscience, parce qu'il y a un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est le seul phénomène qui peut parvenir à traverser les schémas de toutes les sphères. Donc, partir d'une constitution divine omni, traverser toutes les sphères inférieures et arriver jusqu'à la conscience de l'homme par le biais de la voie supramentale. L'ajusteur de pensée est la réplique la plus conforme de la structure divine, sauf que l'ajusteur de pensée n'a pas la conscience de l'homme. L'ajusteur de pensée est un conscientiseur sans conscience. Alors, lorsqu'il touche l'homme, il peut donner à l'homme la conscience du plan le plus proche, du plan supramental. Il peut donner à l'homme la possibilité d'avoir un accès au plan bouddhique, d'avoir un accès au plan divin. Mais l'homme n'est pas la sphère au complet au niveau de la création. Il ne sert à rien de penser que la conscience d'un homme pourra devenir une conscience divine. Si l'homme est l'homme, il n'est que l'homme. C'est simple. Si l'homme devient un surhomme, il n'est qu'un surhomme. C'est simple. Si l'homme veut aller chercher d'autres sphères, il ne peut pas. Par contre, lorsque l'homme accepte de mourir, mais totalement, mais quand je parle totalement, je ne veux pas dire tuer le corps physique. Tuer le corps physique, c'est pour mourir totalement. On va dans le monde de la mort. Il faut qu'on accepte que l'anti-homme disparaisse, que l'homme disparaisse, que la mémoire disparaisse, que l'astral disparaisse, que l'ego disparaisse, que le mental disparaisse, que le supramental disparaisse, que le corps physique disparaisse, que le vital disparaisse. Pour qu'on puisse accepter que tout cela disparaisse, il faut qu'on ait le contrôle de ces sphères. On peut accepter que le corps physique disparaisse, c'est simple, je me tue, flore. Maintenant, tue ton âme. Présentement, le seul corps que tu contrôles, si tu veux le contrôler, il y a peine, par une structure très manipulée du plan astral, c'est le corps physique. On ne contrôle même pas son corps vital. On est fatigué, on a besoin de manger, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Alors, on ne peut pas parler présentement de vouloir fuir, il n'y a rien à faire. Lucifer a essayé, il était implanté dans un corps de matière, il a tué le corps de matière, il a gagné le monde de la mort. C'est fini là. L'être humain doit commencer par digérer le monde de la mort, alors là, il le contrôlera. Et cela va faire partie des 400 prochaines années d'évolution de l'humanité. Par la suite, l'être humain devra digérer le plan mental et transposer la structure mentale de son système cérébral par une légifération ou un assujettissement engendré par le troisième cerveau, le cerveau éthérique. Lorsque l'être humain arrive, et je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de l'animal humain, celui qui vient entre pas, je parle de l'être humain, lorsque l'être humain ou l'homme nouveau ou le surhomme, ou etc., arrive à cette sphère où il est maintenant capable de tout contrôler, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de se déplacer parce que les choses se déplacent vers lui-même, il courbe le temps et l'espace selon ce qu'il a besoin, non pas selon sa volonté, mais selon ce qu'il a besoin, eh bien l'homme rendu à ce niveau-là, certains humains vont avoir la faculté du choix d'arriver à engendrer suffisamment d'énergie chez eux pour pouvoir s'appuyer sur le monde universel créé en arrière d'eux autres et éclater dans les mondes super-universels. Et ce n'est pas qu'une question de conscience. La conscience de l'homme, elle est limitée à l'homme. Ce que tu viens d'expliquer, Daniel... Ça mérite un verre d'eau. Absolument. Prends-en deux gorgées. Ce que tu viens d'expliquer serait beaucoup plus facile à comprendre par l'homme s'il était venu au monde dans ce corps physique avec les mémoires antérieures. Du monde de la mort et des autres. Il est venu dans ce monde, dans ce corps physique, avec les mémoires antérieures. OK, sans y avoir accès. Il y a accès. La seule problématique, c'est qu'il n'arrive pas à les gérer. L'homme se rappelle de son passé, l'homme se rappelle de ses vies antérieures. L'homme n'y croit pas et l'homme n'arrive pas à les gérer, c'est tout. Ton corps physique est tributaire de l'évolution génétique depuis des milliers d'années. Oui, absolument. Ah, on le sait, bon. Oui, mais ta structure psychologique aussi. Oui, mais... Qu'est-ce que c'est que j'ai fait dans une vie antérieure? Je peux pas te le dérouler comme ça facilement, pareil comme je t'ai parlé du film que j'ai vu hier soir. Et veux-tu savoir pourquoi? Tu peux pas le dire. Premièrement, on sait que tu es fusionné à d'autres mémoires, mais même là, tu pourrais retracer les mémoires quand même. La seule problématique, c'est que ce que tu as fait est déterminant de ce que tout l'extérieur a fait. C'est un événement qui est cosmique, qui est planétaire. Oui. Toi, tu n'as en mémoire que l'événement, toi. Tu n'as pas l'événement des autres, qui ne se réincarne pas chez toi. Donc, tu te ramasses en Mongolie, ou avec Genghis Khan, et puis là, tu viens pour faire la guerre, puis vous êtes deux. Là, tu te dis, ça n'a pas d'allure. C'est de l'imagination. Non, tu n'as pas dans ta mémoire la vie de tous ceux qui ont vécu sur la planète en même temps que toi. Donc, tu ne peux pas arriver à gérer ta mémoire convenablement. Moi, je sais que je suis dans le passé, je peux le retracer au complet. Mais si tu me dis, un tel était-tu là? Je ne sais pas. Important, si tu es capable de savoir que tu étais là, tu devrais pouvoir voir les autres. Il n'est pas réincarné dans moi, il n'est pas du même faisceau amique que moi. Je n'ai aucune idée si j'étais là. Mais tu vois du monde. Ah ben oui, je vois du monde. C'était qui? Je ne le sais pas. C'est des corps vides. Sauf qu'un tel, je le reconnais. Mais celui-là, on est relié amiquement ensemble. Il y a une partie de lui qui est réincarnée chez moi, il y a une partie de ce que j'ai vécu là qui est réincarnée chez lui. S'il se rappelle de moi. Si moi je m'en rappelle, il ne s'en rappelle pas. C'est qu'il y a une partie de la mémoire expérientielle de ce véhicule-là, de ce corps-là, qui est réincarné chez moi un peu, et il n'y en a pas de celui qui, dans cette époque-là, le regarde, qui est réincarné chez lui actuellement. L'être humain a tout en lui, son passé, toutes les humanités sont dans l'homme actuellement. Mais on n'y a pas accès. On y a accès, mais on n'arrive pas à le gérer. Accès consciemment. On y a accès consciemment, mais on ne le gère. À 3 ans, tu n'as pas accès à toutes ces choses-là. Mais oui! Tu as vécu. Tu as accès à ton père, ta mère, la télévision, le chien, l'automobile. Tu as accès à ce que c'est que tu vois de tes yeux. Non, tu as accès à tout ça. La seule affaire que c'est que tu ne crois pas à ce que tu as accès. Le monde que tu as vu quand tu avais 2 ans, conte-nous-les. Tu ne pourras pas nous dire, ben, il y avait un automobile. Tu ne peux pas le dire, tu ne connais pas le mot. Tu vas décrire le monde. Tes parents vont dire, ben voyons, non, c'était pas ça pantoute. Mais tes parents, est-ce qu'ils ont vu le monde par tes yeux, par ton système endocrinien, ton système neuronique, puis comme tu étais là? Avant de venir dans ce corps physique, Daniel, j'étais dans le monde de la mort. OK. Je n'ai pas accès à savoir totalement ce que j'avais accès à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que tu penses que tu avais accès de plus dans le monde de la mort que tu n'as pas accès présentement? Tu parles avec un médium, tu lui demandes quelle heure qu'il est, puis il ne sait même pas. L'être humain pense que dans le monde de la mort, il avait une conscience plus volumétrique que celle qu'il a dans le plan de la vie. J'ai pas dit plus volumétrique. Bon, mais tu avais accès à plus de données. Absolument pas. Dans le monde de la mort, les gens n'ont pas accès à aucune donnée. Dans le monde de la mort, les gens, ils se désagrègent, ils perdent leur conscience. Ils la perdent, oui. Mais c'est ça que je veux dire. Tout ce que tu énumérais tantôt, si on n'avait pas perdu la conscience, on aurait eu plus de facilité à comprendre tout ça. Non, parce que quand tu réincarnes, tu réintègres ces consciences-là. Les mémoires qui sont chez toi sont des mémoires qui ont été séparées de certaines choses. Je te donne un exemple. Tout ce que tu as vécu présentement dans cette vie-ci est aussi nébuleux que ce que tu as vécu dans les vies antérieures. Par contre, tu vas dire, oui, mais il y a des choses que je me rappelle plus, c'est faux. Tu pourrais me conter les mêmes histoires au niveau de tes vies antérieures. Mais il y a des choses dans cette vie-ci que je ne te rappelle pas pantoute. Ces parties-là qui vont être séparées de toi dans le monde de la mort. Tu t'en rappelles pas de ton vivant. Tu t'en rappelleras pas quand tu vas être mort, tu t'en rappelleras pas quand tu vas te réincarner. Ils ne t'appartiennent pas. Ces parties-là vont se rappeler de ces parties-là, mais ils ne se rappelleront pas de toi. Tout. L'être humain a accès à son monde de la mort. Il est la réincarnation du monde de la mort. En plus, il est en contact par un canal réincarnationnel 24 heures sur 24 avec des mécanicités qui se réincarnent. Sauf qu'on ne peut pas les gérer, on n'y croit pas. Présentement, moi, je peux dire qu'il y a du monde ici. Parce que mes yeux physiques vibrent ce phénomène-là et que l'information arrive d'une façon où mon ego a appris à se sécuriser par l'information qui arrive par là. Mais quand tu dis, bon, ben tiens, j'étais quoi? J'étais Louis XV. T'as commencé à décrire la salle de Louis XV. Commence à essayer de décrire. C'est peut-être de même que tu l'as vu. Oui, mais il y a la fenêtre, là, je n'ai pas parlé. Et elle ne fait pas partie de la mémoire qui s'est réincarnée. C'est tout. Et quand tu étais vivant, tu n'avais pas accès à ça non plus. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans le coin de la salle derrière toi? Peut-être ça fait partie de ta mémoire, peut-être que pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chaises bleues, il y a... Oui. De très spéciales. De très jolies dames dans les premières rangées. De spéciales. Il y a un gros parleur dans le coin avec un écran. Voilà, un gros parleur dans le coin avec un écran, c'est pas pire. Au moins, ça fait partie de ta mémoire. Puis, je peux te poser d'autres questions, de choses, à un moment donné, que tu ne feras pas partie de ta mémoire. Ah ben oui, absolument. Puis quand tu te réincarnes dans ta prochaine vie, tu vas dire, oui, ouais, mais je me rappelle c'est pas. C'est pour la conscience de ça, c'est pour en arriver à comprendre les choses, Daniel. Oui, je comprends, mais l'être humain a accès à ce que tu expliques là, à l'âge de 7-8 ans, aujourd'hui, je peux faire signe, oui, de la tête, mais à 10 ans, puis à 12 ans, si personne ne m'avait parlé comme ça, j'aurais jamais pu imaginer ça. Ça je pense rien. Qu'on est tous pareils. Ça ne change rien que tu avais accès à non, mais pareil. Si on avait accès à tout ce qui s'est passé dans... dans le passé, comme les initiés, lorsqu'ils quittent le corps physique, ont accès dans certains cas. Les initiés! Quelle est leur différence avec nous, Daniel, si ce 80% des initiés ont inventé le passé qu'ils ont parlé. Et ça ne change rien au passé réel. Non, non, non. Absolument. On peut inventer comme on voudra. La fumisterie dans le monde de la mort, il y en a en masse. Hein, que je ne change plus rien. 20% des initiés avaient accès aux annales akashiques, mais eux avaient simplement appris à lire, puis ils avaient accès aux mêmes bibliothèques que toi. OK. C'est pas ceux-là que je parle, moi. Donne-moi des noms. Je parle de ceux qui quittent ce monde et qui ne vont pas dans le monde de la mort. Tu sais qu'il n'y en a pas bien gros. On a compté bien les histoires sur ces personnages-là. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Oui, il y a plusieurs qui s'en viennent, Il y a effectivement des anciens du flamoron-ciel qui s'incarnent. Mais ce sont des enfants. Mais ça facilite la compréhension de l'évolution de l'homme. Non. Ça catalyse l'évolution de l'homme. Catalyse. Là, il faut qu'on fasse attention à notre langage d'oiseau. Oui. OK. On va passer à la prochaine question. Elle est plus claire. Si la frontière est thermique, y a-t-il moyen pour la conscience de récupérer cette énergie thermique pour sortir d'où elle est entrée? C'est ce qu'elle va faire lorsqu'elle va exploser avec. Peut-on parler d'omnicentre? L'extra-création est-elle... Oui, on peut parler d'omnicentre. Mais pas-en. Un centre qui se trouve partout. Partout. Alors, on peut parler d'omniscience, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est en plein ça. Ton centre source est un omniscience. C'est ça, la source. Qui est à la côté de l'oreille gauche de chaque individu. Oui. Tantôt, j'ai vu quelqu'un, j'étais sur le côté de l'oreille droite. Ah, ben, c'est pas parce qu'il y en a qui ont le cœur à l'opposé. L'extra-création est-elle infinie et quand on dépasse le bout, on reste dedans? Ce n'est pas la création réelle, c'est notre univers. Je précise un peu plus aujourd'hui. Peut-on sortir de l'extra-création ou... Nous ne pouvons pas en sortir. Nous pouvons être sortis, mais nous ne pouvons pas en sortir. Ou si en y sortant, on en rentre à nouveau. Quand l'être humain ne peut pas en sortir. Donc, lorsqu'il en sort, il rentre, donc il ne sort pas toujours dedans. L'être humain. Puis encore là, ça se limite à son univers. Lorsque l'être humain parvient à devenir un dieu, donc à éclater du point de vue de la sphère universelle et sortir à l'extérieur de l'univers... entre les univers, donc dans un super univers, l'être humain est maintenant plus un être humain, c'est devenu un dieu. Et l'être humain, le dieu, ne peut pas dire « un jour je fus humain ». Ça n'existe pas pour lui. Il n'a jamais été humain. Il est dieu. Ces humains-là n'ont jamais existé. Il est dieu. Il ne peut pas se rappeler, il ne connaît rien du monde de l'homme. Il ne connaît rien du monde de l'homme. Alors il ne paramètre pas l'homme, il paramètre une cellule qui s'appelle un univers, puis pour lui c'est un problème qui est différent. Il ne connaît pas l'homme, il ne sait même pas que ça existe. Mais ce fut un homme. Il n'y a pas la mémoire de ce... Il n'y a pas de mémoire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de mémoire, parce que lorsqu'il y a des choses qui ont à se faire, bien, il y a des hiérarchies inférieures, puis la membrane thermique, et puis finalement des hiérarchies inférieures à l'intérieur qui vont accomplir les choses. Mais lui, il n'y a aucune idée que l'homme existe. Le niveau vibratoire serait trop élevé. Oui, il y a une divinité au-delà de l'univers qui aurait conscience que vous êtes tous là aujourd'hui, qui a des humains sur une planète Terre. Ça serait la première à tout massacrer les structures même temporelles pour mieux libérer l'homme de là. Ça ne le fait pas. Ça a le pouvoir de le faire. Ça ne le fait pas parce que ça ne le sait pas que l'homme est là. Ce super, super, super humain dont tu parles... Non, ce Dieu, ça n'a rien à voir avec un humain. Qui devient Dieu. Qui ne devient pas Dieu, ce Dieu. Ce Dieu. Quelle est sa relation avec les omnis? Il est omni. Il a accès à toutes les structures évolutrices qui peuvent l'amener à être omnipotent, omniscient et omniprésent. Sinon, dès qu'il a accès à savoir ce qui se passe sur la planète, c'est juste. Il a accès à savoir ce qui se passe sur la planète, mais pas de la même façon que l'être humain voit la chose. Il ne connaît pas l'homme. Vibratoirement. Il ne connaît pas l'homme. L'homme, c'est de l'illusion. Il n'a pas accès à de l'illusion. C'est un omniscience. C'est comme je te dirais, comment faire pour préserver la prune? Et moi, je te réponds, qu'est-ce que je fous avec la prune? Je ne réponds pas à ta question, mais ta question, elle n'existe pas, elle n'a aucune substance, une substance au niveau de l'illusion. Donc, le phénomène divin ne peut pas venir. L'homme prie que l'homme souffre. Dieu ne sait pas que l'homme souffre. Elle n'a aucune idée, elle n'a aucune substance pour lui, souffrance. C'est comme un morceau de musique. Ce Dieu dont tu parles, lorsqu'il est devenu Dieu, tantôt on parlait des omnis, s'il applique une omnipotence, à ce moment-là, il change l'omniscience? Non. S'il applique une omnipotence, il change l'omniscience. S'il applique une omnipotence avec son omniscience, l'omniscience, c'est la science de tout. Donc, il ne change pas l'omniscience. Par contre, il change la science limitée de ceux qui n'ont pas l'omniscience. L'omniscience n'étant pas mémorielle, tout changement n'existe pas. Parce que je bouge ma main, mais tu ne te rappelles pas où elle était. Finalement, elle est toujours fixe. Elle a toujours été là, là. Mais tu ne peux pas dire qu'elle s'est déplacée. Dans un phénomène instantané, il n'y a pas de changement. Tout peut ne jamais être pareil. Personne ne le saura jamais. C'est un état même. De toute manière. Quand c'est fixe, c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ça ne change rien. C'est de l'instantané. Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme conscient. Alors, on fait une petite pause question.